Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du travail contre la liberté. L'esclavagisme est-il indissociable de l'idée démocratique telle qu'elle existe dans la Grèce antique ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Parfois, l'origine des mots surgit de manière inattendue dans notre quotidien. Oui, c'est souvent le cas le lundi matin en arrivant au bureau devant la machine à café ou alors sur les réseaux sociaux au détour d'un flot de messages. C'est surtout le cas après un week-end festif et reposant quand la semaine qui s'annonce éveille soudain le souvenir des cours de latin ou de lectures édifiantes. Un collègue se plaint de reprendre le travail et nous brandissons l'étymologie qui nous rassure face au labeur. Et dis donc, travail ! Tu sais que ça vient de tripalium en latin, et tu sais ce que ça veut dire tripalium ? Bah, c'est un instrument de torture. Peu importe que cette étymologie soit très contestée et contestable, nous voici d'un coup soulagés. Le travail est donc une souffrance, et nous repartons vers le bureau en sifflotant l'internationale ouvrière, foule esclave, debout, debout, avec le poing levé, nous pensons à Spartacus, aux esclaves qui se révoltent. Alors nous nous asseyons à notre bureau. Il est bon, le café de la machine. Cette semaine, le cours de l'histoire consacre 4 émissions au travail contre la liberté. Autrement dit, au travail forcé à travers les âges. Nous allons débuter aujourd'hui en partant à la rencontre des esclaves de l'Antiquité. Esclaves de l'Antiquité qui nous fascinent, mais que l'on ne connaît pas si bien que ça. Avec vous, Paulin Ismar, bonjour. Bonjour. Paulin Ismar, vous êtes maître de conférences en histoire grecque à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous publiez « La cité et ses esclaves, institution, fiction ». Expérience, c'est au seuil des esclaves que l'on connaît pas très bien. C'est votre thèse, en fait, c'est ça, hein? Ah, enfin, c'est une réduction. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait voilà. Ma thèse, mais effectivement, on les connaît pas très bien puisque les sources à leur sujet sont peu nombreuses. Je veux dire, vous avez travaillé là-dessus pour votre doctorat. Pour mon habilitation à diriger des recherches. Habilitation à diriger des recherches. Ce sont des esclaves que l'on pense connaître et qui méritent d'être découverts. Un monde extrêmement complexe. J'ai adoré cette lecture, La cité et ses esclaves. Et nous allons ensuite partir sur une figure de l'esclave. La figure de l'esclave, c'est Spartacus, la figure majeure qui a été imposée par la fiction et par le cinéma. Vous allez nous en parler. Yann Le Boeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Spartacus, chef de guerre. C'est aux éditions Talendier. En fin d'émission, nous rejoindra Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Anaïs qui assure également la programmation de cette émission. Et pour le moment, nous allons au 4e siècle. 4e siècle avant Jésus-Christ, car Aristote nous attend. Et ce matin, Aristote nous est lu en direct par Mélodie Auru. Mélodie, c'est à vous. D'une part, les animaux domestiques sont d'une nature meilleure que les animaux sauvages. D'autre part, le meilleur pour tous est d'être gouvernés par l'homme, car ils y trouvent leur sauvegarde. Il en est nécessairement de même chez tous les hommes. Ceux qui sont aussi éloignés des hommes libres que le corps l'est de l'âme, ou la bête de l'homme, et sont ainsi faits ceux dont l'activité consiste à se servir de leur corps et dont c'est le meilleur parti qu'on puisse tirer, ceux-là sont par nature des esclaves. Et pour eux, être commandé par un maître est une bonne chose, si ce que nous avons dit plus haut est vrai. Est en effet esclave par nature celui qui est destiné à être à un autre, et qui n'a la raison en partage que dans la mesure où il la perçoit chez les autres, mais ne la possède pas lui-même. Quant aux autres animaux, ils ne perçoivent même pas la raison, mais sont asservis à leurs impressions. Mais dans l'utilisation, il y a peu de différence. L'aide physique en vue d'accomplir les tâches nécessaires, on la demande aux deux, esclaves et animaux domestiques. La mise en parallèle de l'esclave et de l'animal, telle que le fait Aristote dans la Politique, c'est au 4e siècle avant Jésus-Christ, Est-ce valable, Paulin Ismar? Est-ce une bonne analyse d'Aristote? Est-ce que, dans l'Antiquité grecque, l'esclave peut être considéré à l'instar d'un animal? Non, pas du tout. Et... Aristote se plante. Non, mais c'est pas tout à fait ce que dit Aristote. Aristote compare pas les esclaves aux animaux. J'ai mis la muse en parallèle, j'avais fait une petite nuance. Oui, mais pour les Grecs anciens, il n'y a aucun doute, évidemment, sur l'humanité des esclaves. Et pour eux, c'est même pas une question. En réalité. Et même, il y a tout un courant de la pensée grecque qui pense bien ce qu'est l'universalité de la raison humaine et même l'égalité du genre humain. Ça n'empêche pas néanmoins de défendre l'institution esclavagiste et l'existence de l'institution esclavagiste, au point qu'en réalité, il n'y a pas d'auteur antique qui ait véritablement proposé une abolition de l'esclavage. C'est un horizon, d'une certaine façon, impensable pour les auteurs anciens. Alors, Aristote, dans ce contexte, il est compliqué, puisque c'est le seul auteur dont on ait conservé les textes, qui propose une véritable justification de l'esclavage. Mais il ne faut pas du tout penser que le point de vue d'Aristote représente la conception des Grecs, que les Grecs avaient en général sur l'esclavage. La théorie de l'esclavage par nature, kataphusine, dont on vient d'entendre un extrait, est vraiment très très particulière. Et Aristote, en fait, répond ici à des auteurs qui le précèdent, à Platon, à Xénophon, à tout un courant de la sophistique, et c'est dans ce contexte-là qu'il faut restituer ce qu'a été la pensée d'Aristote. Et l'esclave est considéré comment alors dans la conception grecque? C'est une évidence? L'esclave est une évidence, il n'est pas remis en cause. La définition de l'esclave, c'est quelque chose de très difficile. On sent que l'esclave n'est pas perçu de manière très simple. Nous avons des images en tête, des représentations qui nous mettent l'esclave à la maison, l'esclave en travailleur. Le statut d'esclave est-il possible à définir? Alors, de manière très très générale, et si on réfléchit même à ce qu'est l'esclavage dans l'histoire, au sens très très large, d'un point de vue même comparatiste, il y a deux grandes manières de définir l'esclavage. Il y a une manière, disons, traditionnelle, qui est encore celle qui est valable, par exemple, en droit international, qui insiste sur la notion de propriété. L'esclave, c'est celui qui est la propriété d'un individu, disons, de statut libre. Bon. Et il y a une autre définition qui insiste, au contraire, sur la notion de déshonneur ou de mort sociale. L'esclave, c'est avant tout celui qui est à l'extérieur, disons, de la société, et qui en particulier est exclu de la parenté. Ces deux définitions, elles coexistent, de toute façon, dans le monde antique et dans le monde grec. Donc, comment est-ce que les Grecs anciens définissaient ce qu'un esclave? Pour eux, ils avaient une conception très claire, c'est-à-dire que dans le monde des cités, on savait, même s'il y avait évidemment des zones de troubles qui pouvaient exister, mais on savait, d'un point de vue légal, qui était citoyen, qui était esclave. Et ce qui définissait quand même avant tout l'esclave, c'est qu'il était la propriété de quelqu'un d'autre. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, cette semaine, nous nous intéressons au travail forcé, au travail sans liberté. Et dans la cité, ces esclaves, Paulin Ismar, vous citez Hannah Arendt. Et Hannah Arendt disait que l'institution de l'esclavage dans l'Antiquité, au début au moins, ne fut ni un moyen de se procurer de la main-d'œuvre à bon marché, ni un instrument d'exploitation en vue de faire des bénéfices. Ce fut plutôt une tentative pour éliminer des conditions de la vie de travail. Cette relation entre l'esclavage et le travail est quelque chose qui traverse les âges. Et vous nuancez cette idée-là. Vous dites, ce n'est pas simplement un besoin de se libérer des tâches pénibles qui pousse à avoir des esclaves. Le rapport que les Grecs pouvaient avoir à l'esclavage est beaucoup plus complexe. Enfin, il est beaucoup plus ample. C'est-à-dire que, évidemment, le travail forcé, c'est quelque chose de beaucoup plus large que l'esclavage. L'esclavage est une forme de travail forcé, mais il y en a d'autres, et même dans le monde antique. Il y a d'autres formes de travail forcé qui ne relèvent pas, à proprement parler, de l'esclavage. Alors, la phrase de Hannah Arendt, en fait, elle voudrait dire que c'est le mépris du travail qui expliquerait le recours à l'esclavage dans le monde antique. Et c'est une version, quand même, c'est une vision trop simple. En sens au moins que la grande majorité des hommes libres travaillent. Et très souvent, ils travaillent aux côtés des esclaves. Et de la même manière, il n'y a aucun métier, c'est ce qui différencie les sociétés esclavagistes antiques des sociétés esclavagistes de l'époque moderne, il n'y a aucun type de métier qui serait interdit aux esclaves parce qu'ils sont esclaves. Et la plupart des espaces de travail réunissent à la fois des hommes libres et des esclaves. Alors évidemment, il y a certains secteurs d'activité dans lesquels on va trouver presque exclusivement des esclaves. Par exemple, le travail des mines. Mais Voilà, c'est pas du tout la majorité des espaces de travail dans le monde des cités. Et dans cette grande variété de possibles autour de l'esclavage dans l'Antiquité, il y a des statuts extrêmement différents. Et là encore, nous avons l'image, mais véhiculée souvent par la fiction, par le cinéma, par la littérature, de l'esclave domestique ou de l'esclave de la mine, de l'esclave qui appartient à un individu. Mais là aussi, la situation est très diverse. L'esclave qui appartient à l'individu, on peut le concevoir facilement. C'est un petit peu la définition très simple. Mais l'esclave peut être loué. Il y a des institutions qui louent des esclaves. Comment se construit ce panorama des différents statuts de l'esclave ? Alors, il y a des esclaves qui appartiennent, c'est la très grande majorité des esclaves qui appartiennent à des individus, effectivement. Il y a aussi des esclaves qui appartiennent aux cités. Ce sont des esclaves publics. À l'intérieur du monde du travail, envisagé du point de vue des esclaves, il y a, disons, évidemment, une forme quand même majeure qui est celle de l'exploitation directe, c'est-à-dire un esclave qui travaille directement sous les ordres de son maître. Mais il y a aussi tout un champ extrêmement large dans le monde antique qui relève, disons, de l'exploitation indirecte, c'est-à-dire deux grandes formes qu'on connaît bien dans le monde des cités grecques. C'est par exemple, à mon avis, un phénomène qui a été longtemps sous-estimé, mais qui est la pratique du louage ou de la location d'esclaves. C'est-à-dire qu'on loue ses propres esclaves à d'autres individus. L'idée étant qu'à ce moment-là, on en tire une rente. C'est-à-dire on utilise l'esclave pour en tirer une rente régulière. Et on a quelques exemples dans le monde antique, je pense à l'Athènes du 5e siècle, où on nous parle par exemple d'un personnage fameux, Nicias, un grand général athénien de la deuxième moitié du 5e siècle, qui louait plus de 1000 esclaves à des entrepreneurs en fait de main-d'œuvre, qui ensuite utilisaient eux-mêmes ces esclaves. Il y a une autre forme qui relève de l'exploitation indirecte et qui est très intéressante, c'est le fait de confier l'exploitation d'une boutique ou d'un atelier, voire même peut-être parfois d'une terre, à un esclave, l'esclave devant verser une rente régulière à son maître. Mais l'esclave étant de facto, pas en droit, mais de facto, il est responsable de la gestion de cet atelier, de cette boutique. Et ça peut être, pour ces esclaves-là, un moyen de s'enrichir. Quitte éventuellement, à terme, pouvoir racheter sa liberté auprès de son maître, grâce à l'argent accumulé dans la gestion de ses biens. Avec toujours cette réflexion, à l'inverse, de l'esclave enrichi, de l'esclave qui se libère, l'esclave qui fait fortune, qui est une notion que l'on a, que l'on croise parfois, mais qu'il faut nuancer également. Bien sûr. Alors, c'est-à-dire qu'on a quelques cas très fameux dans la littérature ancienne. On a un cas très célèbre, celui des banquiers Passion et Formion dans l'Athènes du 4e siècle, qui ont été esclaves. Parce que dans la banque, il y a très très nombreux esclaves. Vraiment, c'est un secteur d'activité dans lequel des esclaves très compétentes, qui ont des une maîtrise des mécanismes financiers sont utilisés. Et on a ces deux personnages qui sont esclaves dans la banque d'un riche citoyen athénien, puis qui vont s'enrichir, être affranchis et devenir eux-mêmes citoyens et devenir parmi les citoyens les plus riches de l'Athènes du 4e siècle. Mais il faut toujours avoir en tête, évidemment, que c'est des cas absolument exceptionnels. Voilà. Mais c'est tout de même des cas intéressants, parce qu'on est quand même, dans ce cas-là, dans une situation assez éloignée des images un peu toutes faites qu'on peut avoir des sociétés esclavagistes à partir de nos représentations qui sont celles des sociétés coloniales de l'époque moderne. Voilà, c'est ça. Dans les représentations toutes faites, effectivement, Paulin Ismar, on imagine l'esclave battu, l'esclave fouetté. Mais à vous entendre, quand l'esclave est casé, quand il a sa petite échoppe et il doit verser une rente à son propriétaire, il a une forme d'autonomie, en fait, cet esclave-là. Alors, il a une autonomie de fait, mais le pouvoir du maître reste néanmoins, sur le plan légal, toujours déterminant. Et ça n'empêche absolument pas que la contrainte physique, la violence, puisse, en dernière instance, s'exercer contre ses esclaves. Donc c'est quand même un monde d'une extrême violence des maîtres à l'égard des esclaves. Eh bien, écoutez, on va justement entendre ce que disait l'historien Paul Venn. Paul Venn qui, dans Les chemins de la connaissance sur France Culture, en mai 1995, expliquait la violence de l'esclavage. Vous avez l'esclave qui est une domesticité. Vous avez au-dessus de ça le maître absolument tout-puissant qui peut tout sur le corps de ses servantes et qui mène ses esclaves à la baguette et au fouet. Par exemple, une scène qu'on voit tous les matins dans les grandes maisons, c'est le tribunal domestique où le maître distribue non pas les récompenses, mais les tâches et les coups de fouet à une servante qui a eu le malheur de casser un vase dans la cuisine. Alors, ils ont de telles habitudes de violence que il dépendra souverainement du caractère de l'homme que tout se passe dans sa maison de façon à peu près humaine, sauf que l'esclave est traité comme une sorte d'animal parlant. Mais il peut se passer aussi que les pulsions sadiques les plus incroyables ont lieu. De temps en temps, dans la famille où ça se passe comme ça, vous avez d'extraordinaires explosions de violence délirante où le maître est châtré, brûlé vif, et ils vivent tous dans la terreur de leurs esclaves. Paul Venn, en 1995. Et en écoutant Paul Venn, on se rend compte de la difficulté de traiter de ce sujet, les esclaves dans la cité ou les esclaves dans l'Antiquité plus globalement, par la grande variété de statuts possibles. Ce que Paul Venn raconte, c'est un cas, c'est un genre d'esclave. Mais cela se déploie de mille manières. Comment aborder les esclaves dans l'Antiquité, Paulin Ismar? Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes? Ce sont celles que vous avez énoncées, c'est-à-dire le fait d'appartenir à quelqu'un qui fait la caractéristique commune de l'esclave? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'après, non, il faut pas confondre les statuts et les conditions. Il y a des conditions serviles qui sont tout à fait différentes. Il demeure qu'en droit, un esclave reste un esclave et qu'il est sous la toute-puissance de son maître. Un esclave aussi, disons, prospère à première vue, aussi, on en a évidemment de nombreux cas dans les sources, mais la toute-puissance du maître reste quand même la loi. Et ce sont les conditions de vie qui varient énormément. Et là, elles varient du tout au tout, en fait. C'est-à-dire que dans le grand panel, nous avons l'esclave qui peut avoir une vie confortable, parce qu'il est bien traité par son maître. Mais même dans cette vie confortable, il y aura toujours une forme de précarité absolue de sa condition, puisque tout reste entre les mains de son maître. Quelque chose de décisif, c'est par exemple l'affranchissement, donc la possibilité qu'a un maître de libérer son esclave, pour autant, dans le monde grec, jamais il ne devient citoyen une fois qu'il est affranchi. Et il y a toujours un lien de dépendance qui reste très fort entre l'affranchi et son ancien maître. Mais l'affranchissement, c'est un acte absolument unilatéral de la part du maître. C'est le bon vouloir du maître. Il n'y a pas d'affranchissement, parce que ça différencie, par exemple, les sociétés grecques anciennes d'autres sociétés esclavagistes. Par exemple, dans le monde ottoman de l'époque moderne, pour prendre juste un exemple, il y a des formes d'affranchissement contractuel. C'est-à-dire des contrats peuvent passer un esclave avec un maître en vue d'un affranchissement. Cette forme-là n'existe pas, par exemple, dans le monde grec. Donc, même un esclave riche, puissant, prospère, en dernière instance, reste entre les mains du maître. On ne peut pas échapper à l'esclavage. Et dans une famille, l'esclave peut se marier, peut avoir une épouse, peut avoir des enfants. L'enfant peut échapper à l'esclavage? Alors, c'est une question très difficile à aborder en l'état de notre documentation. Mais en droit, ce qui est à peu près clair, c'est que de toute façon, une union entre deux esclaves n'a aucune valeur légale, et que les enfants de l'esclave appartiennent au maître. Donc le maître reste le possesseur de l'ensemble de la famille. D'où l'intérêt aussi d'avoir des esclaves et de pouvoir les vendre. Il y a une économie de cet esclavage, en fait, où l'esclave est une valeur, est un bien, et qu'il y a tout un travail autour de ça. L'esclave n'est pas seulement un producteur de travail qui rapporte de l'argent. L'esclave lui-même est une richesse. Oui, c'est un capital. C'est un capital qu'on peut faire fructifier de plusieurs façons différentes. Paulin Ismar, dans votre livre, La cité et ses esclaves, vous dites, on croisera des robots californiens, Aimé Césaire, John Locke et un esclave de fiction répondant au nom d'Atufal. Il faudra alors admettre que la scène de banquet qui a eu lieu un soir dans la demeure de l'Arensis est encore la nôtre. Cette scène de banquet est incroyable. Nous sommes dans une scène de banquet où l'on réfléchit à ce qu'est l'esclavage. Mais est-ce qu'il y a une réponse dans cette scène de banquet? On est où là dans la littérature? Alors on est chez Athénée, on est dans le Déipnosophiste d'Athénée. On est dans un banquet, donc au deuxième siècle de notre ère, qui réunit des lettrés, des savants grecs et romains, et qui discutent durant des soirs et des soirs de plein de sujets différents, mais ils parlent surtout de la langue grecque, ils parlent de grands auteurs, ils parlent aussi de vaisselle de table, ils parlent énormément de nourriture, et presque par effraction, à un moment, Alors que la discussion commence autour de la vaisselle de table, ils en viennent à parler des esclaves. Mais c'est un très court passage, en fait, de l'ensemble des hypnosophistes. Et ils en parlent, en réalité, alors qu'ils sont entourés d'esclaves. Puisqu'on est dans cette grande scène, dans une grande scène de banquet, des esclaves qui rendent possible l'existence même de ce banquet. Et puis rapidement, en réalité, le sujet... alors c'est intéressant parce qu'on voit bien la peur qui est la leur. Ils évoquent à plusieurs reprises des révoltes serviles, ils se posent des questions entre eux sur quelle est la meilleure façon de gérer son groupe d'esclaves. Mais finalement, tout ça est de très courte durée, et puis on décide que le sujet n'est pas si intéressant que ça, et on passe à autre chose. Et, ouais. Et vous avez relié ça, je l'ai dit, au robot californien Aimé Césaire, à John Locke. En fait, la question de l'esclavage dans l'Antiquité vous porte à réfléchir à d'autres formes d'esclavage ailleurs, avec une vision beaucoup plus large. Si vous voulez, c'est que mon point de départ, de toute façon, il reprend une question qui est très ancienne pour tous ceux qui s'intéressent au monde grec, qui avait déjà été très bien formulée par Moses Finlay, un grand historien anglo-américain, c'est celle du lien entre la démocratie et l'esclavage. Puisque les deux naissent ensemble, et effectivement, il y a une solidarité de fait entre l'avènement de la démocratie et l'esclavage. Et ma question, disons pour la formuler un peu naïvement, et je la travaille quand même en profondeur, je crois, dans le livre, c'est celle de savoir, dans la mesure où on prétend à tort ou à raison être les héritiers de l'Antiquité gréco-romaine, qu'est-ce qui, dans cet héritage, est dû ou est inséparable de ce qu'a été l'expérience esclavagiste? Parce que je pense qu'on peut pas aborder ces sociétés au sens large sans placer l'esclavage au centre de leur fonctionnement. Si on peut prendre juste un exemple, la question du corps. On sait l'importance du corps dans la culture grecque antique. L'exercice du corps qui est au cœur de l'identité civique. Il est très frappant d'observer que ce rapport très particulier que la civilisation grecque a au corps est inséparable d'une société dans laquelle de très nombreux corps, qui sont définis comme des corps en droit, l'esclave est un corps, sont la propriété d'autres individus. Et c'est pas un hasard si la loi la plus ancienne qui concerne l'esclavage à Athènes est une loi qui interdit aux esclaves de se rendre dans les gymnases, c'est-à-dire dans le lieu même où le corps citoyen se cultive. Avec ce paradoxe, c'est vrai, étonnant de se dire la démocratie accepte l'esclavage dans l'Antiquité. Il y a une réflexion à porter, mais je reviens sur ce banquet, donc c'est le livre 6 d'Athénée, où la question se pose, mais comment accepte-t-il ça en gros? C'est ça, ils sont tous attablés au banquet, et la question qui se dit, c'est pourquoi ne vont-ils pas piocher dans les plats tous ces esclaves nombreux? Et c'est en cela que la question traverse en fait simplement l'Antiquité. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez été beaucoup plus loin, parce que vous tirez des passerelles jusqu'à la société industrielle. Oui, bien sûr. Enfin, alors, de façon différente, que ce qui m'intéresse, puisque il y a de toute façon deux livres dans le livre. Il y a un livre d'histoire grecque qui est consacré à l'institution esclavagiste dans l'Antiquité. Il y a un livre qui essaie d'engager une piste de travail comparatiste sur le rapport entre la société esclavagiste grecque et d'autres sociétés esclavagistes dans l'histoire. Et puis il y a un troisième livre qui, avec plusieurs chapitres, qui essaie de réfléchir à des questions contemporaines à partir de ce qu'a été l'esclavage antique. Et par exemple, j'étais très frappé, en travaillant sur le droit de la robotique, de voir à quel point des juristes aujourd'hui, qui travaillent sur ces questions-là, ont recours à ce qu'a été l'expérience des droits grecs et surtout du droit romain pour penser aujourd'hui le statut en droit de robot. Je m'intéresse aussi à la permanence dans les formes du contrat de travail, mais bon, c'est compliqué à expliquer comme ça un peu trop brièvement, parce que je reprends en fait une hypothèse qui avait été formulée par Yann Thomas, un grand historien du droit romain il y a une vingtaine d'années, et j'essaie de montrer la permanence morphologique d'une forme particulière qui est de catégories de pensée juridique qui relèvent de la location d'esclaves et de montrer la permanence de cette forme jusque dans le droit du travail, disons, de la fin du 19e siècle, vont montrer à quel point ça habite ce qu'est le contrat de travail aujourd'hui. J'essaie aussi de réfléchir au rapport entre la représentation politique et l'esclavage, puisque une des grandes questions quand on travaille sur la démocratie ancienne, c'est que c'est une démocratie qui fonctionne sans concept de la représentation. La représentation n'existe pas. Et je pense que cette absence de la notion de représentation est liée, en fait, à l'expérience esclavagiste. Donc, c'est voilà un des éléments que j'essaie de montrer. Voilà le type de lien, disons, que je fais entre cette expérience esclavagiste ancienne et le présent. Et il est pertinent ce lien parce que vous évoquez dans l'Antiquité le fait qu'il soit possible de louer des esclaves. Le louage, le contrat de louage est quelque chose qui a traversé les siècles et c'est très récemment, enfin à l'échelle du temps, que le contrat de louage, on louait une personne. Et cette notion d'esclave, je l'évoquais en début d'émission, se retrouve dans l'Internationale ouvrière, foule esclave. Il y a un lien sans cesse qui rappelle l'Antiquité, une relecture de l'Antiquité où l'on jette un œil en arrière pour se dire, regardez, nous-mêmes sommes esclaves. Et ces réflexions de l'Antiquité, vous les trouvez, j'imagine, pour avoir étudié vraiment ce panorama global de l'esclavage à travers différents exemples, ces réflexions de l'Antiquité sont encore pertinentes pour expliquer d'autres situations. Qu'est-ce qu'un esclave? Que doit faire l'esclave? Est-ce que l'esclave doit se révolter? Oui, mais c'est aussi, enfin, ce qui est le plus perturbant, c'est surtout de voir que, disons, des catégories ou des situations ou des configurations de droit antique liées à des sociétés esclavagistes perdurent ou ont une permanence de façon jusqu'à nous dans un monde qui prétend avoir aboli l'esclavage. Et là, on est sur quelque chose de complexe parce que les questionnements de l'Antiquité, est-ce que la démocratie athénienne peut fonctionner sans esclaves ? C'est une vraie question. Se retrouve avec nous, est-ce que nos sociétés sans esclaves ont vraiment aboli l'esclavage en fait ? On est sur ces questions-là. Est-ce que la démocratie athénienne peut fonctionner sans esclaves ? Non, non, de toute évidence. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a rien à apprendre et à retirer de ce qu'est la démocratie ancienne. Il y a plein de choses qui, encore, peuvent nous inspirer dans les pratiques délibératives, dans dans des tonnes d'éléments de cette démocratie, les pratiques du tirage au sort. On peut quand même admirer le fonctionnement, disons, de cette démocratie, tout en ayant bien conscience qu'elle ne peut pas fonctionner sans l'esclavage. Mais je crois aussi que l'esclavage lui imprime certaines de ses formes. Et là, je parlais, par exemple, de la représentation. Je pense que c'est fondamental. Oui, l'esclavage reste au cœur de l'analyse de la société grecque. On ne peut pas le mettre de côté avec toujours cette problématique. Qu'est-ce que l'esclave dans l'Antiquité ? Il faut vraiment le resituer, le contextualiser pour comprendre l'importance qu'il peut avoir au-delà des représentations toutes simples que nous avons de l'esclave. C'est pour ça que c'est intéressant de visiter la cité et ses esclaves, institution fiction expérience. Paulin Ismar, merci beaucoup pour cette vision de ce qu'est l'esclavage. Mais nous allons retrouver, alors écoutez, vu que nous parlons beaucoup d'esclavage, il nous faut un petit air de liberté. Nous parlons d'antiquité grecque, ben, pourquoi pas, allez, on va simplifier un grec d'Alexandrie, Georges Moustakis. Et puis, puisque nous allons parler de Spartacus, nous partons en Italie, alors pourquoi pas un Italien, Serge Reggiani, Ma liberté. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette. Serge Reggiani, Ma liberté dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous regardons les esclaves de l'Antiquité. Et parmi eux, une figure se distingue, c'est Spartacus. Yann Le Boeck, vous avez écrit Spartacus, chef de guerre, aux éditions Talendier. Pourquoi chef de guerre? Parce que Spartacus est relié sans cesse à l'esclave qui se révolte. Vous avez pointé plutôt le chef de guerre. Eh bien, parce que c'est l'aspect le plus étonnant de ce personnage. C'est donc un esclave, effectivement, qui est devenu esclave dans des conditions tout à fait injustes. Et sa révolte n'a pas été contre l'esclavage ou pour la liberté, comme on l'a beaucoup dit et beaucoup écrit. Elle a été justement pour effacer cette injustice dont il s'estimait victime. Et puis, il a voulu s'échapper, se sauver, rentrer chez lui. Il était originaire de Thrace, c'est-à-dire de la Bulgarie actuelle, en gros, si l'on veut. Et au cours de sa marche, il y a beaucoup d'esclaves qui ont quitté leur maître, qui se sont échappés, qui l'ont suivi et qui lui ont demandé « guide-nous, dirige-nous ». Et puis de petites bagarres, en petites batailles, en vraies batailles, en grandes batailles, il s'est révélé être un des plus grands généraux de l'Antiquité. Alors les Romains le haïssaient profondément, hein, pendant très longtemps, toute l'Antiquité romaine, dire de quelqu'un « c'est un Spartacus », c'était l'injure abominable. Il n'empêche qu'un homme comme César, Caius Julius Caesar, vainqueur de la guerre des Gaules, qui était un excellent militaire, qui connaissait bien tous les problèmes militaires, a compté Spartacus parmi justement les grands chefs de guerre, les grands généraux de l'Antiquité, parce qu'il a réussi à vaincre des armées romaines de manière absolument étonnante. À vous écouter, Yann Le Boeck, on comprend bien que Spartacus se distingue des autres esclaves parce qu'il a été un excellent chef de guerre. Mais avant cette révolte, on va dire que c'est juste un cas particulier d'esclave. Il est devenu esclave comment, Spartacus? Alors justement, ce que je disais, c'est qu'il est devenu esclave de manière injuste. En fait, il est né libre. Il était très probablement éleveur dans les montagnes et vallées de son pays. Et ce sont des chasseurs d'esclaves qui l'ont surpris, attaché, enchaîné, et qui l'ont amené à Rome pour le vendre, tout simplement. Et c'est contre cette injustice qu'il a protesté. Il y avait à Rome un tribunal qui permettait aux esclaves de revendiquer leur liberté s'ils estimaient qu'ils étaient considérés injustement comme des esclaves. Il s'est présenté devant ce tribunal et le juge a dit non, tu es esclave, tu restes esclave. Et ça lui a paru une injustice profonde et c'est contre cette injustice qu'il s'est révolté. D'autant que quand on est vendu esclave, 1000 possibles s'offrent à nous. Il peut devenir plein de choses, il peut travailler dans les mines, il peut faire énormément de choses. Absolument. Alors lui, son destin, c'est gladiateur. Voilà. C'est ce que disait Monsieur Ismar à l'instant. Il y a un statut juridique de l'esclave qui est un peu différent à Rome de ce qu'il est en Grèce, en ce sens que l'esclave est aussi considéré comme un homme, comme vous venez de le dire, mais il est considéré comme un infirme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent sans bras, il y en a qui naissent sans liberté et donc qui sont esclaves. Et puis il y en a qui, au cours de leur vie, perdent un bras dans un accident de la vie, dans une bataille ou autre chose. Et il y a des hommes qui perdent leur liberté au cours de leur vie. Et donc ça crée un statut juridique qui est unique. Hein, donc cette définition est simple. Maintenant, très concrètement, il y a des activités qui sont très différentes et que moi, personnellement, je classerais en trois groupes. Il y a d'abord les producteurs, qui peuvent être donc des laboureurs, des éleveurs, des artisans ou des mineurs, comme en Grèce. C'est le statut le plus cruel, hein, en particulier les mineurs. Les archéologues ont trouvé récemment dans des mines des quantités de cadavres très importantes. Et puis, il y a encore pire que ce statut de travailleur. Il y a deux groupes que je mets ensemble. Ce sont les prostituées et les gladiateurs. Ça, c'est la situation la plus odieuse. Et en revanche, il y a un groupe qui est tout à fait privilégié. Ce sont ceux que j'ai appelés les esclaves aux mains blanches, qui sont des gens qui possèdent un minimum de culture, qui savent lire, écrire, compter, qui peuvent être secrétaires, comptables, qui travaillent dans une maison, et qui sont des gens qui finissent par beaucoup aimer leur maître. Il y a une histoire absolument très cruelle qui raconte que pendant la guerre civile, les enfants ont tous trahi leur père, les épouses la plupart du temps, mais il y en a quelques-unes qui ont été fidèles, et que les seules qui ont été vraiment fidèles à leur maître, c'était des esclaves, c'est-à-dire ces esclaves aux mains blanches. Ce qui est intéressant en vous écoutant, Yann Le Boeck, c'est de se rendre compte combien il est important de mettre Spartacus dans un contexte historique que l'historien peut remettre en place pour ne pas faire de ce personnage quelque chose d'exceptionnel et de particulier, de bien le comprendre avec les travaux des historiens, parce que, étonnamment, sur Spartacus, les sources ne sont pas si nombreuses que ça. Il y a notamment Plutarque qui nous est lu ce matin par Mélodie Auru, lu en direct la vie de Crassus. On raconte que la première fois que Spartacus fut mené à Rome pour y être vendu, on vit, pendant qu'il dormait, un serpent entortillé autour de son visage. Sa femme, de même nation que lui, qui possédait de l'esprit prophétique de Bacchus, faisait le métier de devineresse, déclara que ce signe annonçait à Spartacus un pouvoir aussi grand que redoutable, et dont la fin serait heureuse. Elle était alors avec lui et l'accompagna dans sa fuite. Ils repoussèrent d'abord quelques troupes envoyées contre eux de Capoue, et leur ayant enlevé leurs armes militaires, ils s'en revêtirent avec joie et jetèrent leurs armes de gladiateurs, comme désormais indignes d'eux et ne convenant plus qu'à des barbares. Plutarque qui nous parle de Spartacus. Yann Le Boeck, les sources sur Spartacus ne sont pas si nombreuses que ça, et surtout j'imagine qu'elles sont anglaises, c'est-à-dire qu'il y a un regard particulier. Comment l'historien s'empare d'un personnage aussi complexe que Spartacus ? Alors évidemment, c'est la difficulté du métier d'historien, vous ne l'ignorez pas bien entendu. Il faut prendre ces sources que tout le monde connaît, notamment Plutarque, et essayer de les critiquer, en se plaçant à la place de, en se mettant en homme du 21e siècle. Et puis aussi, j'ai fait beaucoup de recherches dans des petits auteurs qui sont beaucoup moins bien connus, que mes prédécesseurs avaient négligé en disant, bon, Varron, sans intérêt, il y a trois lignes. Le Digeste, qui est un recueil de textes de loi, sans intérêt, il y a trois lignes aussi. Mais si on rapproche ces deux textes, justement, c'est là où on voit que la véritable nature de Spartacus, parce que ces deux textes sont logiques, cohérents, conformes à l'histoire de romaine. C'est-à-dire que c'est un homme libre qui est pris par des voleurs, des marchands d'esclaves, vendu sur un marché. Il revendique sa liberté en disant c'est injuste et il est victime d'une injustice. Alors, ce qu'on a raconté jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il aurait été, il se serait engagé dans l'armée romaine, il aurait déserté, il se serait caché, il serait devenu brigand, il aurait été capturé par des soldats qu'il envoyait à Rome pour être vendu comme esclave, c'est inacceptable, parce que c'est contraire au droit romain. Un soldat qui déserte, quand il est capturé, il est exécuté. Fouetté à mort, fouetté jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, décapité à la hache. Un brigand qui est capturé, il est crucifié. Donc, les soldats qui l'auraient capturé auraient eu le choix entre la hache et la croix. C'est incohérent, c'est impossible qu'il l'ait vendu comme esclave. Et alors, dans sa destinée, un monde d'esclaves difficile, le monde des gladiateurs, Spartacus s'échappe. Et dans cette construction de révolte, parce que Spartacus, c'est la révolte des esclaves, est-ce qu'on est ici avec quelque chose d'exceptionnel, ou est-ce que l'historien que vous êtes, Yann Le Boeck, peut voir qu'il s'agit d'une révolte qui a réussi quand d'autres ont échoué? Non, il y a eu d'autres révoltes qui sont bien attestées en Italie, à Rome même, mais qui n'ont jamais fait beaucoup de bruit. C'est surtout en Sicile où il y a eu deux grandes révoltes d'esclaves, 135-132, 104-101, si vous me permettez ces précisions, qui ont échoué. Et Spartacus finalement a échoué. Il a été vaincu et oui, il est mort au combat. Il a fait grand bruit, mais ça a échoué. Il est mort au combat. Alors sur Spartacus, j'imagine que au moment où l'historien prend en charge un tel personnage, il faut se méfier des sources. Déjà, il faut les trouver, ce qui n'est pas simple. Se méfier des sources, c'est normal, c'est le boulot, les critiquer. Il faut également se méfier des représentations qui sont les nôtres, parce que nous sommes au XXIe siècle et il y a une accumulation comme ça d'images de Spartacus. Une des plus célèbres date de 1960. Elle est signée Stanley Kubrick. C'est Spartacus. Au dernier siècle avant l'ère chrétienne, Rome était la maîtresse du monde. De toutes les choses, la plus belle, a chanté le poète. La première des cités et la demeure des dieux, telle est Rome l'adorée. Et cependant, au zénith de sa puissance, l'orgueilleuse République latine était rongée par une maladie qui devait lui être fatale, l'esclavage. À cette époque, dans la province grecque de Thrace, possession romaine, une esclave accrut la fortune de son maître en donnant le jour à un garçon qu'elle appela Spartacus. Un enfant esclave mais fier et rebelle, qui fut vendu à l'âge de 12 ans pour travailler dans une mine en Libye. Là, sous le fouet, les chaînes et le soleil implacable, il vécut une jeunesse infernale, en rêvant à la liberté pour tous les hommes, 2000 ans avant l'abolition de l'esclavage. Stanley Kubrick, Spartacus, Spartacus qui a une fossette au menton, vu que c'est Kirk Douglas. Vous, Yann Le Boeck, vous portez quel regard? Évidemment, c'est pas un travail d'historien. Un film comme ça, c'est plein d'erreurs, mais c'est sympa. J'aime beaucoup ce film. Qui s'inspire d'ailleurs d'un roman qui est aussi très, très intéressant à lire. Spartacus a inspiré d'ailleurs beaucoup d'autres auteurs. Mais évidemment, ce film est plein d'erreurs. Cela dit, moi, personnellement, d'anachronisme, personnellement, ça ne me gêne pas. C'est une fiction, c'est fait pour intéresser des gens. Montrer Spartacus crucifié à la fin, c'est sans doute beaucoup plus séduisant pour les spectateurs, alors qu'en réalité, il est mort tout autrement. Il est mort au combat, ce qui finalement est peut-être plus beau, je pense, mais peut-être moins cinématographique, moins intéressant pour les spectateurs. Mais d'où ça vient cette idée de tous ces esclaves crucifiés comme ça sur la route? Ah ça, c'est vrai. Il y a eu une dernière bataille dans laquelle Spartacus a été vaincu et tué. On n'a jamais cherché son corps, on ne l'a jamais retrouvé, d'ailleurs retrouvé puisqu'on ne l'avait pas cherché. Mais des esclaves ont réussi à s'échapper. Les uns sont allés dans des montagnes où ils sont restés pendant plusieurs dizaines d'années. D'autres se sont enfuis vers le nord et ils sont tombés sur des soldats romains qui arrivaient pour secourir Crassus. Et ils ont arrêté environ 5000 esclaves et ils les ont crucifiés tout au long de la voie appienne qui reliait Rome à Capoue ou Naples, si vous voulez, allant jusqu'à Naples. de façon à montrer aux autres esclaves ce qui les attendait. Et la crucifixion est un supplice épouvantable. On a entendu dans l'extrait de Spartacus, le film de Stanley Kubrick, que le pointage était fait sur l'esclavage. C'est comment des esclaves se sont révoltés. Spartacus, on le connaît également parce que il est relié à une lecture marxiste de l'histoire. C'est vrai qu'il y a des mouvements Spartacus, ça évoque tout de suite l'Allemagne après Première Guerre mondiale. Spartacus est utilisable de différentes manières. Vous le voyez comme ça en étudiant le personnage? Bien sûr, il a été utilisé de deux manières différentes. D'abord par les historiens marxistes. Il y a toute une série de Spartacus qui ont été écrits bien entendu en bulgare, hein, puisqu'il était originaire de Thrace, de cette région, mais aussi en allemand, tchèque, en slovaque, etc., dans tous les pays marxistes. Et puis il y a aussi une lecture libérale. Alors les marxistes disent ce sont des esclaves qui se sont révoltés pour obtenir leur liberté. Et les libéraux disent ce sont des gens qui se sont dressés pour leur liberté contre l'esclavage. Finalement, ça revient au même, hein, les uns et les autres sont d'accord pour dire qu'ils sont contre l'esclavage et pour la liberté. Et en réalité, moi, ce que j'ai trouvé en lisant les textes, justement ceux qui avaient été négligés, que j'évoquais tout à l'heure de Varron et du Digeste, hein, d'un recueil de lois, Spartacus, lui, ne s'est pas dressé contre l'esclavage ni pour la liberté, mais il s'est dressé contre une injustice. En revanche, tous les hommes qui l'ont suivi, effectivement, voulaient échapper à l'esclavage. Oui, il y a comme une escroquerie, en fait. Parce que vous nous dites, Spartacus, voilà, ne voulait pas lutter contre l'esclavage, mais aujourd'hui, il est repris comme parangon de la lutte pour la liberté. C'est ce que disait un petit peu tout à l'heure Monsieur Ismar. Dans l'Antiquité, personne n'a jamais pensé abolir l'esclavage. C'était une institution qui était tout à fait normale. Hein, on n'imaginait pas les choses autrement. Il y a un historien anglais qui s'est spécialisé dans le 4e, 5e siècle, qui a cherché dans tous les pères de l'Église. C'est l'idéal, on ne peut rien trouver de mieux comme sentiment humaniste dans l'Antiquité. Eh bien, tous les pères de l'Église considéraient que l'esclavage était normal, à l'instar, à partir de Saint Paul d'ailleurs, hein, qui disait « Maître, aimez vos esclaves, esclaves, aimez vos maîtres ». C'est évidemment une petite révolution dans l'esclavage, si on en avait écouté Saint Paul, mais c'était justifié aussi, en même temps, c'était justifié l'esclavage. C'est pour cela que Spartacus, chef de guerre, que vous avez publié chez Talendier, Yann Le Boeck, est intéressant parce qu'il met en perspective ce personnage qui fait partie de la culture populaire, mais qui nous permet de comprendre plusieurs siècles d'une civilisation qui est à l'origine de la nôtre. Merci beaucoup à vous. Il est 9h53 sur France Culture. Mais c'est l'heure de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, il est question des musées consacrés aux grandes catastrophes du XXe siècle. La revue Mémoire en jeu publie un entretien de Shiga Kenji, directeur du musée du Mémorial pour la paix d'Hiroshima, consacré au bombardement atomique de la ville le 6 août 1945. L'entretien a été mené en 2017 au Mémorial de la Shoah à Paris, au moment où le musée d'Hiroshima repensait son parcours et son exposition permanente. L'occasion d'une réflexion sur la mise en musée de l'histoire et de la mémoire des crimes de masse. Shiga Kenji a entrepris une série de voyages d'études à travers le monde dans les musées comparables aux siens qu'il a mené au musée d'Auschwitz, à Los Alamos, le site expérimental de la bombe atomique américaine, et au mémorial de la Shoah dans le cadre de sa réflexion sur son propre musée. Voici 10 ans, la ville d'Hiroshima était rasée par l'explosion de la première bombe atomique qui fit, selon la Croix-Rouge japonaise, 240 000 morts et 150 000 blessés, dont un grand nombre devait succomber par la suite. Ce jour-là, le monde apprit que l'enfer pouvait être déchaîné par les hommes. Le parc Mémorial de la paix de Hiroshima a été créé en 1954, près du lieu de l'explosion, en application d'une loi promulguée en 1949 sur la reconstruction de la ville. Le site est rapidement investi par les mouvements d'opinion, d'abord par le mouvement Atoms for Peace, pour le nucléaire civil, et dans les années 60, par les mouvements antinucléaires. À à la fois lieu de souvenir et de commémoration, c'était avant tout un espace d'expression politique. À l'occasion de la rénovation du musée du mémorial, le parcours prévoit de mettre en valeur l'expérience individuelle de la catastrophe nucléaire et en premier lieu l'histoire des Ibakusha, les victimes irradiées de l'explosion, longtemps reléguées à la marge des politiques mémorielles. Arte propose en parallèle un court reportage sur sa plateforme numérique sur le parcours d'une de ses rescapées, Reiko Yamada, qui avait 11 ans en 1945. Au-dessus de nous, j'ai vu un bombardier qui montait très haut dans le ciel tout bleu. L'avion brillait. Au moment où je me disais que c'était vraiment beau, il y a eu comme un éclat très fort et j'ai été aveuglée. Les autres enfants et moi, on s'est mis à courir vers les abris. Mais un vent brûlant, plein de sable chaud, s'est jeté sur nous. Ça m'a fait tomber par terre et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'un arbre m'était tombé dessus. Reiko Yamada est une des dernières survivantes des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki et s'est engagée dans un programme gouvernemental de témoignages publics de ses rescapés au Japon et à l'étranger. 1100 récits de la catastrophe ont d'ores et déjà été collectés pour le musée et les recherches futures. Interdits de témoignage jusqu'en 1952 par les autorités d'occupation américaines, les Ibakusha ont souvent refusé de raconter leurs expériences par la suite. Reiko Yamada s'est donc saisie, 75 ans après l'événement, de l'urgence de témoigner. La vie n'a pas été facile pour nous, les Ibakusha. Ceux qui avaient des brûlures ont subi des discriminations. S'ils allaient au bain public, on leur refusait l'entrée en disant qu'ils risquaient de contaminer les autres gens. Certains Ibakusha avaient peur d'avoir des enfants malades. Beaucoup ne se sont donc pas mariés. La dernière génération de Ibakusha est en train de disparaître. Le musée de Hiroshima est aujourd'hui animé par des personnes n'ayant pas vécu l'événement. La disparition progressive des victimes nécessite d'inventer d'autres vecteurs de transmission de l'histoire, de ces moments de paroxysme, de violence et de destruction, un enjeu partagé avec les musées consacrés au génocide des Juifs d'Europe, et une question qui se pose également aux historiennes et aux historiens sur les modes de diffusion de leurs recherches. Un nouvel âge de ces musées à inventer. Voilà, et dans les autres modes de transmission de l'histoire, ben, il y a votre journal, Anaïs Kien. C'est ce qu'on essaye modestement de faire tous les jours dans le cours de l'histoire. Merci beaucoup Anaïs. Tous les liens vers l'article et la vidéo sont en ligne sur le site du journal de l'histoire sur franceculture.fr. Demain dans le cours de l'histoire, nous continuons à réfléchir sur le travail contre la liberté, autrement dit le travail forcé. Nous irons en Russie, oui, où le servage est resté longtemps en place jusqu'en 1861. Une réflexion sur cette Russie entre deux mondes dans le cours de l'histoire. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Camille André et Alice Rouet. Vous pouvez réécouter ces émissions sur le site internet le cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis rejoignez-nous sur le groupe Facebook le cours de l'histoire.